إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication de Al-Ha'iyya, la manzouma de l'imam Ibn Abi Dawood As-Sajistani au sujet de la aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et on commence donc à expliquer le vers 8, le vers numéro 10 dans la manzouma. Et l'imam Ibn Abi Dawood, il dit: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. C'est-à-dire que yani, le Jahmi, c'est-à-dire celui qui suit la voie des Jahmiya et qui nie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont nier également la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont grandes ouvertes de ses grâces, et il donne de ses grâces. Donc on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Donc on est encore dans le sujet des noms et des attributs, et donc on va continuer donc à clarifier et à expliquer la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de réfuter également en même temps la position des gens de Bid'ah parmi les Mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh explique, il dit: Al-Jahmiyu huwa alladhi yakunu ala madhhab al-Jahm ibn Safwan alladhi akhadha madhhabahu an al-Ja'd ibn Dirham wa qawlu an-Nazim rahimahullah wa qad yunkiru al-Jahmi ya'ni atba'u al-Jahm yunkirun al-asma'a was-sifat wa hadha min madhhabihi al-khabith wa illa falahu madhhabun qabihun fi 'iddati masail ومنها إنكار الأسماء والصفات. Donc le Cheikh il dit, Al-Jahmi, c'est celui qui est sur la voie de Jahm ibn Safwan. On en a parlé dans les premiers cours, on a expliqué que Jahm ibn Safwan, c'est un parmi les hérétiques qui appelait à la négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a pris cette voie de Ja'd ibn Dirham. Et ça on l'a expliqué également dans les premiers cours. Le Cheikh il dit que donc l'imam Ibn Abi Dawood, il est en train d'expliquer quand il dit وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِ, c'est-à-dire les gens qui suivent la voie de Jahm ibn Safwan vont essayer de nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une voie qui est bien entendu mauvaise. Mais il est important ici, le Cheikh il dit, mais il faut savoir également que Jahm ibn Safwan a des problèmes et a des égarements dans d'autres questions également, pas seulement dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, également dans d'autres questions, comme par exemple dans les questions qui ont rapport avec la foi et dans les questions qui ont rapport avec Al-Qadar et dans beaucoup d'autres sujets de la aqida, ils ont des erreurs, et parmi ces erreurs il y a les erreurs qu'ils ont et les égarements qu'ils ont dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu وقد هذه للتحقيق مثل قد قامت الصلاة ومنه قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ستكتب ما قالوا قد تأتي للتحقيق وهو المراد هنا وتأتي للتقليل مثل قد يجود البخيل هذه للتقليل وهي هنا ليست للتقليل وإنما هي للتحقيق كما في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين هذه للتحقيق. Donc le cheikh explique ensuite que quand l'imam Ibn Abi Daoud dit dans le début de ce vers وقد ينكر الجهمي قد c'est un article ou c'est un article qu'on utilise et qu'on met au début d'une phrase avant un verbe et c'est pour différentes significations, c'est pour ajouter différentes significations. Ça peut être parfois pour diminuer ou rabaisser de la possibilité de quelque chose, comme par exemple il donne l'exemple قد يجود البخيل, c'est-à-dire c'est possible que la personne qui est avare fasse preuve de générosité. Donc c'est dans le sens que tu utilises qad, c'est-à-dire c'est possible, hein? Mais on peut l'utiliser également comme dans le cas de qu'est-ce qui est dit dans ce vers, le tahqiq, c'est-à-dire pour confirmer, hein, puis pour mettre plus d'emphase et d'importance sur la réalité de ce qui est mentionné. Donc ici qad yunkirul jahmi, c'est-à-dire que c'est certain que le jahmi va le nier. Donc c'est quand on veut établir que quelque chose est certain et que c'est quelque chose qui est réel. Comme quand on dit qad qamatis salat. Qad qamatis salat, c'est-à-dire la prière est établie, ça y est, on va la commencer. Quand on fait al-iqama, on dit qad pour faire comprendre ou pour faire savoir que ça y est, la prière maintenant elle va être établie. Et il mentionne d'autres exemples comme dans le verset 181 dans surat Al-Imran où Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad sami' Allah, hein? Certes Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la parole de ceux qui ont dit Allah subhanahu wa ta'ala est pauvre et nous sommes riches. Ça c'est la parole des juifs, ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala l'avarice, hein, et la pauvreté. Donc ça c'est des exemples. Allah al-musta'an. Donc ça c'est pour faire comprendre qu'il peut y avoir deux différentes significations à l'utilisation du terme qad, et dans ce vers ici c'est pas pour dire que c'est possible, mais c'est pour expliquer justement que c'est certain que les jahmi vont dire ça puisque c'est ça leur position et c'est ça leur madhab. Ensuite le cheikh il dit qawluhu aydan ay kama ankara ru'yat Allah azza wa jal fa innahu aydan yunkiru ithbat al-yadayn, hein? Donc c'est pour dire que aydan, quand il dit waqad yunkiru al-jahmiyu aydan yaminahu aydan, ça veut dire aussi ou également. Donc étant donné que comme on a dit précédemment dans les vers précédents que il nie le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, eh bien ils vont également nier le fait d'affirmer les deux mains à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala lahu sifatun zatiyya مثل اليدين والوجه والقدمين والأصابع وله صفات فعلية مثل النزول والاستواء والكلام والخلق فكل ما جاء الدليل بإثباته لله من صفات الذات فإننا نثبته لله خلافا للمعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته وعلى رأسهم الجهمية وخلافا للممثلة الذين يغلون في الإثبات حتى يشبهوا صفات الله بصفات خلقه فهم على طرفي نقيض فهؤلاء غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين. Donc le cheikh explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'avait expliqué dans les cours précédents, il a des attributs qui font partie de lui, qui font partie de son être, qui sont zatiyya, et il a des attributs qui sont des attributs fi'liyya, c'est-à-dire des attributs qui ont rapport avec ses actions. Et ça, on va, comme le cheikh il donne des exemples, il dit مثال أو مثل صفات الذاتية مثل اليدين comme les deux mains, le visage, les deux pieds, les doigts. Ça c'est les exemples de صفات ذاتية. Les sifat dhatiyya, ça veut dire, ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie de sa personne, qui font partie de son être, et qui sont éternels, hein, et qui sont éternels comme il est éternel lui-même. Donc ça fait partie de lui, ça fait partie de son être. On dit dhat, ok? Et sifat fi'liya, ça veut dire, c'est des attributs qui font également partie de son être, mais qui sont reliés à sa volonté et à ses actions. Et il les fait quand il veut. Comme al-nuzul, al-istiwa, al-kalam, al-khalq. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours l'attribut de la création, il est toujours capable de créer. Il a toujours eu cet attribut-là. Et il crée quand il veut, selon sa volonté. Il a toujours l'attribut de la parole, c'est-à-dire il a toujours la capacité de parler, mais il parle quand il veut. Hein? Et la même chose pour Al-Istiwa, il a l'attribut de Al-Istiwa, c'est-à-dire de s'élever au-dessus de sa création. Et comme c'est mentionné dans les hadiths et comme on va l'expliquer également dans les vers qui vont suivre, il a l'attribut de Al-Nuzul, c'est-à-dire qu'il descend au dernier des cieux, à la fin du dernier tiers de la nuit, ou au dernier tiers de la nuit, pour demander aux créatures, ceux qui veulent demander pardon, pour qu'ils les pardonnent, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le cheikh explique que tout ce qui est mentionné dans le Coran ou dans la Sunna, et au sujet duquel il y a un dalil, une preuve, dans le Coran ou dans la Sunna, pour l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala, alors on doit l'affirmer. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même, comme attribut de sa personne, alors on doit l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Contrairement aux mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nient les noms et qui nient les attributs, et bien sûr à la tête de ceux-là il y a les jahmiyyah. Puis ensuite il y a également les mu'tazila et les asha'ira et les maturidiyya qui nient soit les attributs en entier ou qui les nient partiellement. Et le cheikh ensuite il dit également yani d'une manière, c'est-à-dire que parmi ceux qui ont dévié sur cette question-là, il y a ceux qui, comme on a dit, qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également il y a ceux qui ont dévié parmi ceux qui qu'on appelle al-mumathila, c'est-à-dire ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Et eux, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont exagéré dans l'affirmation des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à un tel point qu'ils ont voulu les affirmer qu'ils sont tombés dans ce qu'on appelle le tashbih, c'est-à-dire de faire ressembler Allah à sa création. Et donc, ceux-là sont à deux opposés. Ceux qui nient les attributs d'Allah et ses noms parce qu'ils prétendent craindre de faire ressembler Allah à sa création. Donc ils nient les attributs d'Allah et ils nient ses noms. Et ceux qui affirment les noms et les attributs, mais qui vont dans l'extrême à ce sujet-là et qui disent que les attributs d'Allah sont pareils à celles de ses créatures. Donc ça, c'est deux groupes et deux voies d'égarement. D'accord? Et il y a la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui est une position entre ces deux-là, entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire que la voie de Ahlus Sunnah, c'est qu'on affirme, comme le Cheikh il dit, فَيُثْبِتُونَ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ وَصِفَاتِ الْأَفْعَالِ خِلَافًا لِلْمُعَطِّلَةِ وَإِثْبَاتًا بِلَا تَمْثِيلٍ خِلَافًا لِلْمُشَبِّهَةِ كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc le cheikh il dit que la voie de Ahlus Sunnah, c'est entre ces deux extrêmes. Donc on affirme ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même comme attribut de sa personne ou comme attribut de ses actions, contrairement aux mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on affirme ces attributs là on les affirme sans faire de ressemblance entre Allah et sa création, contrairement à ce qu'on appelle les mushabbiha, ceux qui font ressembler Allah à sa création, et comme on a dit tout à l'heure, on ne nie pas les attributs qui sont attribués à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux mu'attila. Donc le cheikh il explique, il dit que la preuve sur laquelle on se base pour établir cette voie qu'on suit, la voie d'Ahl Sunnah, c'est dans le verset 11 dans sourate Ash-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc Dans ce verset-là, il y a yani, les deux exemples, la réfutation des deux groupes. Dans ce verset, il y a la réfutation des deux groupes extrémistes. Premièrement, le cheikh dit قوله فليس كمثل فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على الممثلة وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a rien qui lui ressemble, ça c'est la réfutation de ceux qu'on appelle al-mumathila, ceux qui font ressembler Allah à sa création. Et dans l'autre partie du verset, wa huwa as-sami'ul basir, c'est la réfutation de ceux qu'on appelle al-mu'attila, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est sami' et qu'il est basir. Hein? Et ces gens-là, ils disent, nous, on affirme, on nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que dans ces attributs-là, il y a une ressemblance avec la création. Comme par exemple, on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est Sami', ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on peut pas dire que Allah est Sami' parce que les êtres humains, nous aussi, on est Sami'. C'est-à-dire, on a aussi l'attribut de lui. Et on peut pas dire, ils disent, quand Allah dit qu'il est al-basir, qu'il voit et qu'il a la vue, qu'il est voyant, eux ils disent, on peut pas dire ça d'Allah parce que les êtres humains aussi ont cet attribut-là. Donc si on affirme cet attribut-là pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique qu'il y a une ressemblance entre les deux. Et nous on répond à ça en disant non, puisque Allah subhanahu wa ta'ala juste avant il dit, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc il n'y a pas de comparaison entre lui de l'être humain et des créatures et lui du créateur, hein, puisque lui qu'on a, la capacité qu'on a d'entendre, elle est limitée, hein, et elle est faible. Et même si on regarde par exemple parmi les créatures, il y a des animaux qui ont un ouïe beaucoup plus développé et beaucoup plus fin, beaucoup plus précis que celui des êtres humains. Hein? Donc, on peut, même entre les créatures, on ne peut pas comparer, par exemple, l'ouïe d'un animal et celui d'un être humain. Donc, comment faire des comparaisons entre celui des créatures et celui du créateur? Hein? Ça, c'est pas quelque chose qui est raisonnable. C'est pas quelque chose qui est acceptable. Donc, on affirme ces attributs-là et on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Sami', mais on ne peut pas comparer entre le sam' d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui des créatures. Et la même chose pour al-basar, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a la vue. Nous les créatures on voit, mais notre vue elle est limitée, elle est faible, hein. Et il y a des animaux par exemple qui ont une vue beaucoup plus perçante et beaucoup plus précise que celle des êtres humains, hein. Par exemple, il y a des aigles qui ont une vue vraiment très très puissante, ils voient de très loin, à des grandes distances. Et non seulement ça également, mais parfois il y en a même des animaux qui voient la nuit, hein, qui voient dans le noir, tandis que nous les êtres humains, on n'a pas cette capacité-là. Donc si c'est le cas qu'il y a cette différence entre la vue des créatures entre elles-mêmes, alors comment on peut essayer de comparer la vue des créatures et celle du créateur? C'est quelque chose d'impossible, d'accord? Donc ça c'est la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a. On affirme les attributs qui sont attribués à Allah et on dit que du moment quand on dit par exemple as-sam'u, l'attribut elle-même, hein, quand on le dit comme ça as-sam'u et qu'on l'attribue à rien, la ressemblance elle est uniquement dans les idées, dans la tête. Mais dans la réalité, du moment que tu l'as attribué à quelque chose, alors elle se distingue. C'est-à-dire, quand tu dis la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça devient une vue ou une vision qui est spécifique et particulière à Allah et qui est différente de celle de ses créatures. Et quand tu dis la vue des êtres humains ou de la créature, automatiquement ça devient une vue qui est spécifique et distincte de celle des autres. Donc c'est pour dire que la ressemblance et uniquement dans ton esprit avant de l'avoir attribué à la personne ou à l'être à laquelle tu l'attribues. Mais Mais après que tu l'aies attribué, soit à Allah le Créateur ou à la créature, là il y a une distinction et il n'y a plus de ressemblance. Et donc c'est de cette manière qu'on réfute les gens qui ont exagéré dans une des deux aspects. Hein? Et c'est-à-dire les mumassila et les mu'attila. Donc on a dit que les jahmiya, eux ils ont nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mu'tazila, eux, ils ont affirmé les noms, mais ils ont nié les attributs. Et les maturidiyya et les ash'ara, eux, ils ont affirmé les noms et uniquement cet attribut. Et les autres attributs, ils les ont niés. Hein? Et par exemple, ils vont pas affirmer la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple. Donc, malgré que, comme on a expliqué déjà, les premiers parmi les ash'ara, ils affirmaient la main. Mais petit à petit, comme on a dit, avec le temps, ils se sont rapprochés des Mu'tazila, puis ils ont nié ces attributs-là. Donc, la façon dont on réfute les Mu'tazila et les Jahmiya, c'est la même manière dont on peut réfuter les Asha'ira et les Maturidiyya. C'est-à-dire, on leur dit, vous avez affirmé, parce que les Asha'ira, ils affirment sept attributs. Ils affirment, par exemple, Al-Assam, ou Al-Basar, ou Al-Kalam, والحكمة والإرادة والقدرة يعني كلا ذا الخلق الحياة. Donc ça c'est cet attribut que les Asha'ira affirment. Et après les autres, ils les défendent dans leur signification. Ils ne les affirment pas comme ils devraient l'affirmer. Donc on leur dit, pourquoi vous affirmez ces sept là et vous niez les autres? Quand, par exemple, vous affirmez la vue, ou l'ouïe, ou la vie, ou la parole, vous dites aux Mu'tazila que vous les affirmez et que ça n'implique pas une ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc, pourquoi dans ce cas-là, nous, quand on affirme la main, vous ne dites pas la même chose? Hein? Quand on vous dit, par exemple, affirmez que Allah subhanahu wa ta'ala a une main, puisqu'il l'a dit dans sa révélation. Et la main d'Allah n'est pas comparable à la main des créatures. Alors, yani, si vous êtes capable de dire cet argument-là au Mu'tazila, nous, on l'utilise également contre vous pour vous montrer que votre position, elle est contradictoire. Donc, si vous agissez d'une manière avec les attributs, il faut agir avec tous les autres attributs de la même manière. Il ne faut pas appliquer cette règle à sept attributs, puis le reste des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous changez de règle et vous essayez de les nier. Hein? Donc ça c'est contradictoire. Et la raison pour laquelle ils sont tombés dans cette contradiction-là, c'est qu'à la base, ils ne se basent pas sur la révélation pour affirmer les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils se basent uniquement sur leur raison et sur leur logique. Hein? Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans cette contradiction-là. Tandis que Ahlus Sunnah wal Jama'a se base sur la révélation et sur la raison également. Donc ça c'est la façon dont on peut clarifier ou on peut répondre à ces shubuhat de la part de ces gens-là. Donc le Cheikh il dit ensuite, Wallahu jalla wa ala lahu sifatun ذاتية ولahu sifatun فعلية كالاستواء والنزول والخلق والرزق والكلام كل ذلك من صفات أفعاله ومن صفات ومن صفاته الذاتية اليدان وقد جاء إثباتهما في كلام الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Donc le cheikh il mentionne, donc il dit que Allah a des attributs qui ont rapport avec son être, qui font partie de lui, qui font partie de sa personne, et il a des attributs qui font partie de ses actions. Et il mentionne al-istiwa, al-nuzul, al-khalq, al-rizq, al-kalam, ça fait partie des attributs des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a également des attributs qui sont liés à sa personne comme les deux mains et l'affirmation de ses de ça, c'est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il donne des exemples de versets dans lesquels cet attribut est affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple le verset 27 dans sourate Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ » Dans ce verset, quand on le regarde au complet, hein, le cheikh il a uniquement mentionné la partie dans laquelle il y a la mention de l'attribut, mais quand on regarde le verset au complet, ça dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Hein? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les cieux et la terre et il va en faire une poignée qu'il va fermer dans sa main, qu'il va tenir dans sa main, les cieux et la terre, dans sa main droite. Donc, ça c'est la preuve de l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala a la main, hein, l'attribut de la main. Et également dans le verset 75, dans Surat Sad, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, que Iblis, قال يا إبليس. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à Iblis et il dit oh Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé par mes deux mains, hein, de ce que j'ai créé par mes deux mains, et c'est-à-dire Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam avec ses deux mains. Donc ça c'est l'affirmation encore une fois de l'attribut de la main, hein. Et il mentionne ensuite des hadiths, comme par exemple, il dit wa fi al-hadith yadullahi mal'a sahaa al-layli wan-nahar wa ghayru dhalika min al-ahadith as-sahiha allati fiha ithbat al-yadayn wal-yad lillahi 'azza wa jal 'ala ma'nahuma al-ma'ruf fi al-lugha fa huma yadan haqiqiyatan walakin laysata ka yaday al-makhluqin بل هما يدان تليقان بجلال الله وعظمته لا يعلم كيفيتهما إلا الله جل وعلا. Donc le cheikh il explique, il dit que il y a également un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira رضي الله عنه, et il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la main d'Allah سبحانه وتعالى est remplie et il donne jour et nuit, hein, de ses grâces. Donc, il y a beaucoup d'autres hadiths également qui sont authentiques et qui affirment que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Et juste comme exemple, par exemple, vous avez sûrement tous entendu ce hadith, et c'est pas seulement un hadith, il y en a de nombreux hadiths et même des paroles des sahaba dans lesquels on dit wallazi nafsi biyadihi, hein, wallazi nafsi biyadihi, par celui, c'est-à-dire on jure par celui qui détient notre âme en sa main, hein? Ça c'est la preuve que ils affirment que Allah subhanahu wa ta'ala a une main, hein? Donc ça on le retrouve dans de nombreux hadiths et donc il y en a plusieurs, et il dit donc la main d'Allah est affirmée selon sa signification qui est bien connue dans la langue, et ce sont deux mains réelles, hein? Et elles ne sont pas comme les mains des créatures, et ce sont deux mains qui conviennent et qui correspondent à sa grandeur et à sa majesté. Et on ne connaît pas le comment et la description de ces deux mains-là. Et on ne peut pas non plus les imaginer, hein, ou les comparer à celles des créatures. فَنَحْنُ نُثْبِتُهُمَا عَلَى مَعْنَاهُمَا الْحَقِيقِ وَنَنْفِي عَنْهُمَا التَّمْثِيلُ وَالتَّشْبِيهِ فلا يشبهان يدي المخلوقين هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة تمشيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهم في ذلك شأنهم في بقية الأسماء والصفات لله عز وجل. Donc le cheikh il dit que ce sont deux mains réelles, et quand les ulama ils mentionnent et qu'ils disent que ce sont deux mains réelles, c'est pour réfuter et pour contredire ceux qui prétendent que ce sont deux mains et qui disent que ce sont symboliques. C'est quelque chose d'allégorique ou symbolique, que ce n'est pas réel. Donc les ulama ils disent non, ce sont deux mains réelles. Et quand on dit que ce sont deux, quand on dit que ce sont deux mains réelles, ça veut dire qu'elles sont réelles et que leur réalité correspond à Yani, dans le sens que quand on dit que dans le sens que la réalité des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est différent de la réalité de la main des créatures. C'est ça ce que ça signifie. Donc quand on dit que ce sont deux mains réelles, ça signifie que la réalité des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est différente de la réalité de la main des créatures. Donc si on dit qu'elles sont réelles, ça ne veut pas dire qu'elles sont comme celle de la créature. Ça veut dire qu'elles ont une réalité, ces mains-là, elles sont réelles, mais elles sont pas, elles sont pas comparables aux mains de celles des créatures, et leur réalité est différente de celle des créatures. Donc le cheikh il dit, ولكن ليست كيدي المخلوقين, elles sont pas comme les mains des créatures. Ce sont deux mains, comme on a expliqué. On les affirme dans leur signification réelle et on nie toute ressemblance et toute comparaison. Donc, elles ne ressemblent pas aux mains des créatures. Et ça, c'est la voix de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Hein? Tamashiyan ala kitabillahi. C'est-à-dire, ils affirment ça et ils croient en ça de cette manière, selon ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunnah du Messager sallallahu alayhi wa sallam. وشأنهم في ذلك شأنهم في بقية الأسماء والصفات. Donc le cheikh il dit, cette méthode qu'ils ont d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'affirmer la main, c'est la même pour toutes les autres attributs d'Allah et pour tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما أهل التعطيل الذين ينفون اليدين عن الله جل وعلا كما ينفون عنه سائر الصفات فإنهم يؤولون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. Donc ils disent, en ce qui concerne les gens du ta'til, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils nient les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ils nient le reste des attributs, et ils les interprètent en déformant leur signification réelle, et ils l'interprètent en disant que ce sont ils l'interprètent en disant que la main c'est al-qudra, c'est-à-dire la force ou la capacité. Et, ou bien, dans le sens que c'est al-ni'ma, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shaykh, il dit, yu'awwilunaha bima'na al-qudra, fayaquluna ma'na lima khalaqtu biyadei, ay biqudratei. Donc, ils interprètent la main par la force. Comme par exemple, ils vont dire que la signification, lorsque Allah dit dans le verset 75 dans Surat Sad, Lima khalaqtu biyadei, quand il dit à Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est-à-dire que j'ai créé avec mes deux forces. Et le Cheikh dit, fayuqalu lahum, Allah jalla wa ala, dhakara al-yadayn bilafz al-tasniya. Fahal lillah, ou fahal lillah lahu qudratan, ou qudratun wahida. فلا يوجد إلا جواب واحد وهو أن الله له قدرة واحدة ولا يصح أن يقال له قدرتان. Donc le cheikh il explique, il dit, on peut dire à ces gens-là qui prétendent que la main c'est la force et que Allah a créé Iblis avec ses deux forces, on dit Allah a mentionné qu'il a deux mains, il a mentionné yadei, ça veut dire les deux mains. Yadan, ça veut dire deux mains en arabe, il y a, contrairement au français, il y a le singulier, le duel et le pluriel. Hein? Donc, yadan, ça veut dire deux mains. Donc, yani, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a deux forces ou bien il a une force? Hein? Donc, il n'y a qu'une seule réponse à cette question, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une force. Hein? On ne peut pas dire deux forces. Hein? C'est pas logique. Donc le cheikh dit, وفي قوله لما خلقت بيدي هل يقال معناه بقدرتي لا أحد يقول هذا. Donc est-ce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit pourquoi tu t'es pas prosterné devant ce que j'écris avec mes deux mains? Est-ce qu'on va dire avec yani que ça signifie avec ses deux forces? Il y a personne qui dit ça. Amma ta'wiluha bin ni'ma fa ka an taqul laka yadun 'indi aw laka ni'matun 'indi fa idha qala qa'iluhum ma'na lima khalaqtu bi yaday bi ni'matay yuqalu lahu hal illah جل وعلا ليس له إلا نعمتان فحسب أم أن جميع النعم منه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, et il y en a d'autres qui interprètent la main en disant que c'est la grâce, et donc il donne des exemples comme par exemple des utilisations du terme yad parfois dans la langue, comme par exemple comme on dit laka yadun indi ou bien laka ni'matun indi, c'est-à-dire on dit, toi, yani, t'as une grâce pour moi. C'est-à-dire, tu m'as fait un bien, et donc t'as, yani, c'est comme on voulait dire, je te dois une faveur, ou quelque chose comme ça. Et donc, ils interprètent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu t'es pas prosterné devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Ils l'interprètent par les deux grâces. Et le cheikh, il répond, il dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a seulement deux grâces seulement? Ou bien, toutes les grâces sont de lui. Donc, yani, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset dans le Coran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si tu essaies de calculer les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas les calculer parce qu'elles sont trop nombreuses. Donc, pourquoi les limiter à deux ici? Thumma aydan la farqa bayna Adam wa ghayrihi idha fussirat al-yad bil qudra. فإن الله خلق جميع الخلق بقدرته سبحانه وتعالى فلا ميزة لآدم على غيره من البشر والله جل وعلا ميزه بقوله لما خلقت بيدي فهذا وجه الرد على هؤلاء. Donc le cheikh explique également, il dit également, si on dit que si on interprète la main par la force, eh bien ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là a créé toutes les créatures par sa force. Et donc, il n'y a aucune particularité ou distinction à Adam par rapport aux autres êtres humains. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset que Adam, particulièrement aux autres êtres humains, lui, il a été créé par les deux mains d'Allah, pas comme les autres êtres humains. Donc, ça, c'est une réfutation de ce que ces gens-là prétendent lorsqu'ils interprètent la main par la force. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il l'a créé par sa main pour l'honorer, hein, et pour montrer qu'il est particulier parmi les créatures et parmi les hommes. Eux, ils prétendent que c'est la force. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre Adam et les autres êtres humains, hein. Donc, ça, c'est un exemple aussi. Wa amma al-mumassila fayuraddu alayhim, hein, fayaruddu alayhim al-Qur'an biqawli Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa qawlihi wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa qawlihi wa hal ta'lamu lahu samiyya wa qawlihi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun an-niddu huwa ash-shabihu wal mathil fa naha an naj'ala lillahi ashbahan wa amsalan min khalqihi subhanahu wa ta'ala fa Allahu laysa kamithlihi shay'. Donc le cheikh explique, il dit donc que en ce qui concerne les autres extrémistes, ceux qui ont fait ressembler Allah à sa créature et qui ont dit que Allah a une main comme celle des êtres humains ou des créatures, nous on leur répond en leur disant que Allah subhanahu wa ta'ala, il nie ça dans le Coran. Il dit laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Comme le verset, ça c'est 11 dans Surat Shura, et le verset 65 dans Surat Maryam, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ, est-ce que vous lui connaissez un égal? وَقَوْلِهِ فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des andades, c'est-à-dire des égaux et des ressemblances, alors que vous savez. Donc, ça c'est la réfutation des mushabbiha. فهذا هو مذهب الجهمية في مسألة اليدين لله وهذا الرد عليهم فيما تأولوه ومذهب الممثلة والمشبهة أيضا والرد عليهم من كلام الله سبحانه وتعالى. Donc ça c'est la réfutation des Jahmiyyah au sujet de la question des deux mains d'Allah, et c'est la réfutation de leurs fausses interprétations, et également la voix des mushabbiha et des mumathila, ceux qui font des formes d'anthropomorphisme ou des ressemblances entre Allah et sa création. Donc, on les réfute de cette manière-là avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaqul was-samawati matwiyatun biyaminihi. وجاء لفظ اليمين والشمال في الحديث ثم قال صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين فهي شمال بمعنى اليمين وذلك تنزيها ليده عز وجل من التنقص لأنه إذا سمع السامع إثبات الشمال لله فربما يقع في نفسه أنها مثل شمال المخلوقين لأن يد المخلوق الشمال ليست مثل اليمين بل أنقص والشمال كما هو معلوم لإزالة الأذى والتنظيف أما اليمين فهي لما يستطاب والأخذ والإعطاء والأكل والشرب وغير ذلك فإذا سمع السامع إثبات الشمال لله ربما يقع في نفسه أنها أنقص من اليمين كما في المخلوق فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التوهم وقال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 67 dans sourate Az-Zumar was-samawati matwiyatun biyaminihi, c'est-à-dire comme il mentionne dans le verset au complet que les cieux et la terre seront fermés ou pliés dans sa main droite. Donc, il y a la mention de la droite, et le cheikh il dit également dans les hadiths, il y a la mention de la droite et de la gauche à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il dit que dans un hadith qui est rapporté, selon Abdullah, yani Ibn Umar radiallahu anhuma, dans Sahih Muslim, il y a la mention donc que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont droites. Kilta yadayhi yamin. Ok, وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينَ. Donc les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont droites. Le cheikh explique, il dit, il mentionne en note ici en bas de page que Abdullah ibn Umar il a rapporté donc قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. Donc ça c'est le hadith qui est apporté par l'imam muslim dans lequel il y a la mention du fait que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont droites. Et donc en réalité le cheikh il dit que quand on dit qu'il a deux mains droites ou bien que ses deux mains pardon sont droites, c'est dans le sens que la gauche elle est dans le même sens que la droite, dans le sens que en voulant dire de la même signification que la droite. Et ça, c'est pour purifier la main d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection ou de toute faiblesse ou défaillance. Parce que lorsque quelqu'un entend par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a une main gauche, peut-être qu'il va commencer à penser que il a une main gauche qui est pareille à celle des créatures. Et on sait que chez les créatures, la main gauche n'est pas comme la main droite, dans le sens que on n'utilise pas la main gauche pour la même chose que pour la main droite. On utilise la main gauche pour se nettoyer et pour enlever les nuisances ou les choses mauvaises. Tandis que la main droite est utilisée pour les bonnes choses, comme pour donner et pour prendre, pour boire et pour manger. Donc si quelqu'un entend l'affirmation de la gauche à Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il va s'imaginer en lui-même qu'elle est moins importante ou qu'elle a moins de valeur que la droite, comme c'est le cas chez les créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié cette possibilité ou cette pensée-là ou cette idée-là en mentionnant que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont droites. D'accord? Donc il dit wa qawlu al-nazim rahimahullahu ta'ala wa kilta yadayhi, c'est-à-dire les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, bil fawadiri ay bil ata'i wal ni'am tanfahu, yani tu'ti al khalq wa tumidduhum, c'est-à-dire comme l'imam Ibn Abi Daoud il le dit, wa kilta yadayhi bil fawadiri tanfahu, ça signifie que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala donne à la subsistance, donne à la créature sa subsistance et ses grâces et ses bienfaits. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne de ses bienfaits et aller par sa main à la création, à la créature. Wal hadithu yaduhu mal'a saha al-layli wal-nahar alam taraw ma anfaqa mundhu khalaqa as-samawati wal-ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi فهو جل وعلا يعطي العطاء الذي لا حد له ولا نهاية ولا نهاية ويعطي بيده الكريمة لعباده. Donc le cheikh il dit, comme c'est mentionné dans le hadith, et on l'a mentionné plutôt ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est remplie. C'est-à-dire, elle est remplie de bien, elle est remplie de grâce. Et il donne de ses grâces jour et nuit. Il dit, n'avez-vous pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a dépensé, hein, et a donné de ses biens, de ses bienfaits, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, hein? Et malgré tout ça, il n'y a rien, il n'y a rien qui a diminué de ce qu'il a donné par sa main droite. Donc, c'est-à-dire que, comme c'est mentionné dans beaucoup d'autres hadiths également, comme le hadith qui dit, si il, يعني, يا ابن آدم, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد, ثم سأل كل واحد ما سأل, ما نقص ذلك من ملك شيئا. يعني, dans le hadith qui est mentionné, dans Al-Arba'un al-Nawawi, on lit cette mention-là. Que si tous les hommes et les djinns se réunissaient dans un endroit unique et qu'ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'ils voulaient et que Allah subhanahu wa ta'ala donnait à sa création ce que chacun d'entre eux avait demandé, ça n'aurait rien fait diminuer de son royaume. Hein? Et même que dans le hadith, il y a même la mention que ça n'aurait même pas fait diminuer ce que lorsqu'on rentre, si, comme par exemple, on rentre une aiguille dans l'océan et qu'on la ressort, eh bien, ça n'aurait même pas diminué cette quantité-là du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a donné à la créature depuis la création des cieux et de la terre, ça n'a rien fait diminuer de ce qu'il y a dans sa main droite. Donc, il donne d'une manière qui est sans limite et sans fin. Hein? Et après il dit le cheikh, wa hadha ma'na qawlihi ta'ala wa kilta yadayhi bil fawadil ay bil ataya wal afdal min Allah wa qawluhu tanfahu ya'ni mustamirratun fil ata alladhi la yanqati'u min Allah. C'est-à-dire tanfahu, ça veut dire yani il donne de manière continuelle et perpétuelle, yani sans arrêt. واليهود قبحهم الله لما وصفوا الله جل وعلا بالبخل قالوا يد الله مغلولة فقال الله سبحانه وتعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يعني بالجود والعطاء والكرم ينفق كيف يشاء. Donc le cheikh il donne un exemple en terminant, il dit que les juifs, que Allah subhanahu wa ta'ala les maudisse, lorsqu'ils ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala en disant de lui qu'il est avare, hein, ils ont dit à propos d'Allah, yadullahi maghloula, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fermée. Parce qu'ils veulent accuser Allah d'être avare. Ça c'est dans le verset 64 dans Surat al-Ma'idah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la suite de ça, que leur main à eux soit fermée et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, et qu'ils soient maudits pour qu'est-ce qu'ils ont dit. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ, ses deux mains sont grandes ouvertes. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء, et il donne comme il veut. C'est-à-dire, il est plein de générosité et il donne et il est généreux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas avare contrairement à ce que prétendent ces gens parmi les Yahoudes. Donc ça c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec l'attribut de la main. Maintenant, le vers 11 dans la Manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud, c'est qu'est-ce qu'il dit par la suite. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Jabbar, il descend dans, il descend au dernier des cieux dans chaque nuit. Bila kayf, c'est-à-dire sans essayer de comprendre comment cela se produit. Jallal wahidul mutamaddahu. Donc, on va lire maintenant les paroles et l'explication de l'imam الشيخ الفوزان على السجلة يقول وقل يعني قل أيها السني الذي تمسك بالكتاب والسنة قل ولا تتردد قول الناظم رحمه الله ينزل الجبار ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في كل ليلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو أعلم بربه سبحانه وتعالى وما يليق به فقل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبت النزول لله عز وجل والنزول من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا بمشيئته وإرادته متى شاء وهذا النزول تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها جماعات من الصحابة وهو في الصحاح. Donc le cheikh explique que l'imam Ibn Abi Daoud al-Sajistani, il dit, « Dis au toi le sunni, celui qui s'accroche au Coran et à la sunna, dis cela, dis cette chose, dis cette parole, dis cette chose que, en laquelle croient tous les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, sans aucune hésitation, comme le dit l'imam Ibn Abi Daoud, que Allah subhanahu wa ta'ala al-Jabbar descend. » au dernier des cieux, au ciel de cette dunya. Et le cheikh il dit fi kulli laylatin ensuite. Donc c'est la parole de l'imam Ibn Abi Daoud qui dit à chaque nuit. Chaque nuit. Et donc ça c'est basé sur la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Et il connaît mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et il connaît mieux ce qui lui convient que quiconque. Donc dit la même chose que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et affirme que Allah subhanahu wa ta'ala descend comme il l'a affirmé. Et que al-nuzul, la descente, fait partie des attributs, des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des actions qu'il fait selon sa volonté et selon sa mashi'a et sa irada. Comme il le veut et quand il le veut. Wa hadha al-nuzul tawatarat. Cet attribut de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des cieux. Elle a été rapportée dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths qu'il leur rapporte et qui leur rapportent sont très très nombreux. Ils ont atteint le degré de tawatur tellement ils sont nombreux. Et il y a de nombreux d'entre les sahaba qui l'ont rapporté. Donc yani le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là et il dit que il y a plus que 30 parmi les sahaba qui l'ont mentionné, c'est-à-dire qui ont rapporté ce hadith. Donc il n'y a pas de doute, et ce hadith-là, il est dans les livres authentiques de hadith, comme Al-Bukhari et Muslim et les autres. Donc le cheikh il dit ensuite, « وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ رَحِمَهُ اللَّهِ مُؤَلَّفًا مُسْتَقِلًا فِي شَرْحِ حَدِيثِ النُّزُولِ وَهُوَ مَتْبُوعٌ مفرد طبع مع المجموع بعنوان شرح حديث النزول. الشيخ il explique, il dit que Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a écrit un livre spécialement pour ce hadith là, c'est-à-dire il a écrit un livre spécialement pour expliquer ce hadith, le hadith de la descente, et il a été publié également individuellement, c'est-à-dire il a été publié, ce livre-là on peut se le procurer dans les librairies, et il a été également publié dans son majmour, le majmour Fatawa. Il est publié sous le titre شرح حديث النزول, l'explication du hadith du nuzul. فيجب إثبات النزول لله كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير. وهذا يدمر المعطلة لأنه متواتر ولأن من لأن من عادتهم أن يقولوا هذا حديث آحاد لا يفيد العلم ولكن هذا ليس لهم فيه حيلة لأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit ça, c'est obligatoire de l'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala il descend, hein, comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a affirmé, et il descend, يعني quand il reste qu'un tiers à la nuit. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et ce hadith-là, il vient détruire complètement, hein, les croyances et les idées des mu'attila, de ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est basé sur un hadith qui est mutawatir. Et eux, ils prétendent tout le temps, lorsqu'on leur ramène quelque chose, ils prétendent tout le temps que c'est un hadith qui est ahad et qui n'amène pas à la certitude ou à la science. Tandis que celui-là, ils ne peuvent pas utiliser cette ruse à son sujet, puisqu'il est mutawatir. Il est rapporté par un grand nombre de sahabi, yani un grand nombre parmi les sahaba, et donc il est mutawatir, hein, rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un grand nombre. وهذا النزول مثل سائر صفاته جل وعلا وليس مثل نزول المخلوق وإنما هو نزول الجبار جل وعلا كما يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته وإنما نثبته كما جاء مؤمنين به لا نتأوله ولا نعطله ولا نمثله بنزول المخلوق عن المخلوق فهو نزول يليق بعظمة الله. Donc le cheikh il dit que cette descente, on y croit et on l'affirme, et il faut en même temps comprendre qu'on l'affirme de la même manière qu'on affirme toutes les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on dit que cette descente, elle n'est pas comparable à celle des créatures. Et on n'essaye pas d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala descend. Non, ça c'est une descente qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Hein? Et on ne sait pas comment il descend, mais on l'affirme comme ça a été mentionné dans les textes, et on y croit, et on n'essaie pas de l'interpréter, de changer sa signification ou de déformer sa signification, et on ne nie pas non plus la réalité de son sens, et on ne fait pas de comparaison entre la descente des créatures, la descente d'une créature par rapport à une autre créature, on ne fait pas de comparaison de ce genre, mais on l'affirme tel que cela convient à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولأنه حديث متواتر لا حيلة لهم فيه أخذوا يشرقون ويغربون ويريدون التخلص منه فقالوا ينزل يعني ينزل أمره. Donc le cheikh il dit, ce hadith étant donné qu'il est mutawatir, ils n'ont aucun moyen de s'en échapper et de le déformer ou de le déjouer. Et ils ont essayé par tous les moyens de passer à l'est et à l'ouest pour essayer de s'en sortir, et ils essaient de s'en échapper, mais ils ne sont pas capables. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah descend, eux ils ont essayé de l'interpréter en disant que c'est son commandement qui descend, hein? Donc ça fait partie des interprétations qu'ils ont essayé de donner, hein? فيقال لهم الحديث فيه أنه يقول من يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له فهل من سائل فأعطيه فهل الأمر يقول من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له هذا باطل فهذا باطل وإنما الذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il répond à cette choubha quand ils disent que c'est le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend et non pas Allah lui-même. Le cheikh il dit, et dans le hadith il y a la mention du fait que, hein, il y a Allah subhanahu wa ta'ala demande, et qui va me demander pardon pour que je le pardonne, qui va me demander pour que je lui donne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir pour que j'accepte sa repentance, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pour que je lui donne ce qu'il me demande, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim? Donc, yani, est-ce que le commandement d'Allah demande cette question-là? Est-ce que le commandement d'Allah dit qui va me demander pour que je lui donne, qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Ça, c'est faux. Hein? Wa innama alladhi yaqulu hadha huwa Allah. Celui qui demande ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement. قالوا ينزل ربنا يعني ينزل ملك من الملائكة. Donc ils ont aussi essayé d'interpréter la descente en disant que hein, c'est l'ange qui descend, un ange parmi les anges. Hein, ils ont dit ينزل, c'est-à-dire un ange parmi les anges. Le cheikh il dit يقال لهم هل الملك يقول من يستغفرني من يسألني هل من تائب فأتوب عليه هل هذا يصدر من الملك أو يصدر من الرب سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, on leur répond à ces gens-là lorsqu'ils prétendent que c'est l'ange. Est-ce que l'ange peut dire qui va me demander pardon pour que je le pardonne, qui va me demander pour que je lui donne? Hein? On n'a pas le droit de demander à un ange, et l'ange n'a pas le droit de demander aux gens de leur demander à eux et de leur demander pardon ou des choses de ce genre, ou de demander aux gens de se repentir à eux. Ça, c'est clair que ça ne vient pas d'un ange, mais ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui demande, hein, aux hommes de demander pardon et de se repentir. Al-jawab wa hadha min ar-rab. Donc la réponse, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ar-rab, hein, qui demande aux hommes de se repentir et de demander pardon. فَلَيْسَ الْمُرَادُ يَنْزِلُ أَمْرُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ يَنْزِلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّ الْأَمْرُ وَالْمَلَكُ لَا يَقُولَانَ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ الَّتِي جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ. Donc, c'est clair que, qu'est-ce qu'on veut dire ici par la descente? Hein? C'est pas la descente de son ordre, c'est pas la descente de l'ange ou un ange parmi les anges, non, c'est la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le commandement et l'ange ne demandent pas ou ne disent pas ce genre de paroles. ونظرا لدوران الشمس حول الأرض قالوا أيضا كيف ينزل الليل وكيف ينزل والليل يختلف باختلاف الأقطار فالشمس تدور حول الأرض كما نصف الأرض في نهار ونصفها الآخر في ليل فيكون عندنا نهار وعند الآخرين ليل والعكس نقول هذا لا ندخل فيه لأن هذا من أمر الله فالذي سخر الليل والنهار وجعلهما يتعاقبان هو الذي أخبر أنه ينزل سبحانه وتعالى فنحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية ولا نقول كيف ينزل وثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم بل نقول هذا إذا كان نزول المخلوق أما نزول الخالق فهو ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. Ça aussi c'est une autre shubha que les mu'attila ont mentionné. C'est qu'ils disent, étant donné que le soleil tourne autour de la terre, donc ils disent comment yani, il peut descendre, hein, et que comment il peut descendre alors que la nuit est pas à la même place, au même endroit. Donc la nuit est différente selon le lieu sur terre. Hein? Ça, c'est des choubouhat qu'il mentionne. Donc il dit le soleil tourne autour de la terre. Donc comment une partie de la moitié de la terre est dans le jour et l'autre moitié est dans la nuit. Donc chez nous c'est le jour et chez les autres c'est la nuit. Et ainsi de suite, ou le contraire. Donc le cheikh il répond à ça en disant, nous on rentre même pas dans ça et on se pose même pas ces questions là parce que ça fait partie des affaires qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a assujetti la nuit et le jour et qui a fait que le jour et la nuit se suivent les uns les autres, c'est lui-même qui nous a informé qu'il descendait au dernier tiers de la nuit. Et donc nous, notre obligation et notre devoir, c'est d'affirmer qu'il descend et on n'essaie pas de rentrer dans les questions qui ont rapport avec le comment. Hein? Donc nous, on ne dit pas par exemple, comment ça se fait que s'il descend dans cette partie, alors que c'est le tiers de la nuit ici, et que c'est pas la même chose chez, dans les autres pays, alors comment ça peut être possible, des choses de ce genre. Nous on dit ça c'est lorsque c'est la descente d'une créature, on peut dire des choses comme ça, mais en ce qui concerne la descente du créateur, alors il descend comme il veut et on ne peut pas comprendre comment et on ne peut pas essayer de l'imaginer non plus. Donc il dit ensuite وَقَالُوا أَنُّزُولُ يَلْزِمُ عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ وَالْإِنْتِقَالِ فَهَلِ اللَّهِ يَنْتَقِلُ مِنَ الْعَرْشِ إلى السماء الدنيا ويتحرك. نقول هذا بحث عن الكيفية ونحن نقول ينزل كما يشاء لا نعلم الكيفية الله ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير وهو الذي خلق السماوات والأرض فلا نخوض في هذا. Donc le cheikh il explique par la suite, ils disent que parmi leurs shubuhat également, ils disent la descente, ça implique le mouvement et le déplacement d'un endroit à un autre. Hein? Donc, est-ce que Allah se déplace et il quitte le trône vers les derniers des cieux, vers le ciel de la dunya, et il bouge? Donc, le cheikh, il répond à ça et il dit, ça, c'est encore une fois une recherche ou une question au sujet du comment et de la manière comment Allah descend. Et nous, on dit, il descend comme il veut, et on ne sait pas comment il descend. Allah subhanahu wa ta'ala descend comme il le veut. Et, yani, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il a le pouvoir de faire toutes choses. Il a le pouvoir sur toutes choses. Donc, il fait les choses, hein, comme il le veut. Et, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc, on n'a pas à rentrer dans ce genre de questions pour débattre ou argumenter sur ces choses-là, puisque ça dépasse notre raison. فنحن نثبت النزول كما جاء كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير نثبته ونؤمن به ولا نلتفت إلى وساوس هؤلاء الذين يستدركون على الله سبحانه وتعالى كأنهم يقولون إن النزول لا يليق بك يا ربنا لأنه كذا وكذا فهم يستدركون على الله جل وعلا ويستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم أعلم من الله وأعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالله وهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا الله يثبت النزول وهم ينفونه ويقولون يلزم عليه كذا وكذا من اللوازم الباطلة عندهم. Donc le cheikh explique, il dit que nous on affirme que Allah descend au dernier tiers de chaque nuit, et on l'affirme et on y croit, et on ne se tourne pas vers ce que ces gens-là ramènent comme suggestion ou comme fausseté du fait qu'ils essaient de corriger Allah subhanahu wa ta'ala dans la manière dont il s'est décrit lui-même. C'est comme s'ils essayaient de corriger Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme par exemple à propos de Al-Nuzul ou à propos de Al-Istiwa ou des autres attributs comme la main. C'est comme s'ils étaient en train de dire « Oh Allah, tu ne sais pas comment te décrire toi-même. Tu ne t'es pas décrit correctement. Tu dis à ton sujet que tu as une main, tu dis que tu descends, tu dis que tu t'es élevé sur le trône. Il ne faut pas dire ça, parce que ça implique des choses qui ne sont pas correctes, donc il ne faut pas dire ça. » Donc c'est comme si, comme le cheikh dit, c'est comme s'ils essayaient de corriger Allah et de corriger le messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme s'ils essayaient de montrer qu'ils connaissent mieux Allah que Allah lui-même, et qu'ils connaissent mieux Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est d'avoir une mauvaise attitude et un mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala descend, alors que eux, ils le nient. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a affirmé, et son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé, et eux, ils le nient en disant non, ça implique telle ou telle chose parmi les fausses implications. Et donc ça, c'est quelque chose qui est rejeté. Et le cheikh dit « Wa qawlu al-Nazim, rahimahullahu ta'ala, al-Jabbar, ay Allah, jalla wa ala, min asma'ihi al-Jabbar. » Donc le cheikh, il mentionne, il dit que l'imam Ibn Abi Dawud, il mentionne dans ce vers Al-Jabbar en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que un des noms d'Allah c'est Al-Jabbar. Donc le cheikh il dit Wal-Jabbar lahu ma'anin. Al-Awwal Al-Jabbar bima'na alladhi yajburu 'ibadahu al-munkasirin. C'est-à-dire il y a plusieurs significations au terme Jabbar ou Al-Jabbar, et une des significations de Al-Jabbar, ça signifie الذي يجبر عباده المنكسرين, c'est-à-dire celui qui console ses serviteurs lorsqu'ils sont cassés ou lorsqu'ils sont tristes, lorsqu'ils sont blessés ou des choses de ce genre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala يجبر عباده, donc il les console, hein? Et الجبار بمعنى الذي تجري أحكامه القدرية على عباده دون أن يمتنع منها. فأحكام الله جل وعلا القدرية لا راد لها ولا معقب. C'est-à-dire Al-Jabbar aussi signifie celui يعني qui fait que ses règles qu'il a prédestinées s'appliquent sur ses serviteurs. Les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées dans la création affectent ses serviteurs et ils ne sont pas capables de s'en échapper ou de s'en sortir. Parce que ce que Allah a prédestiné pour la création, alors ça doit être établi et ça doit être appliqué. Ou bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ou a établi comme règle ou comme loi dans l'univers, on ne peut pas s'en sortir. Hein, par exemple, la chaleur et le froid, ou tout ce qui a rapport avec les lois que Allah subhanahu wa ta'ala a établies dans l'univers, que ce soit des lois biologiques ou physiques ou autres, on est soumis à ces lois-là, et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a prédestinées. Hein? De même que ce qu'il a prédestiné pour nous dans ce qu'il a écrit dans notre prédestination. Donc tout ça, on ne peut pas le rejeter, on ne peut pas le repousser, et on ne peut pas s'objecter à ça. Et Al-Jabbar également, le cheikh dit Al-Jabbar min ma'anihi al-lughawiyya al-'ali al-murtafi' wallahu jalla wa ala fawqa 'ibadihi wa huwa al-qahir fawqa 'ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir wa huwa al-qahir fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaykum hafaza. Parmi les significations également linguistiques du terme Al-Jabbar, il y a celui qui est élevé et qui est haut. Donc, ça c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa créature. Donc, Al-Jabbar, ça vient aussi également dans ce sens-là. Et il mentionne le verset 18 dans Surat Al-An'am et le verset 61 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est Al-Qahir fawqa 'ibadihi, c'est-à-dire il est le contraignant au-dessus de ses serviteur, et il est le sage et le bien informé. Et il mentionne dans l'autre verset Al-Qahiru fawqa 'ibadihi, il est le contraignant au-dessus de son serviteur, et il envoie sur eux des gardiens. Ensuite il dit wa qawlu an-nazim rahimahullah yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin kama ja'a fi al-hadith min ghayri kayfin, hein, bila kayf, hein, يعني لا ندري عن كيفية النزول لأن هذا لا يعلمه إلا الله فلا يلزم منه هذه اللوازم التي أوردها المعطلة والممثلة والمشبهة لأننا لا نبحث عن الكيفية والله على كل شيء قدير والخلق لا يحيطان به علما فلا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسمائه وصفاته illahu subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que lorsque l'imam Ibn Abi Daoud dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit, comme c'est mentionné dans le hadith min ghayri kayf, parce qu'il dit bila kayf, il descend comment, et justement à propos de cette explication là que les salafs utilisent lorsqu'ils parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent bila kayf, sans comment, c'est-à-dire sans qu'on puisse sans qu'on essaie de chercher à comprendre le comment et sans qu'on puisse connaître le comment, c'est-à-dire la description, hein, et la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala est, ça c'est pas possible de le connaître. Mais les gens de bid'a comme les Asha'ira par exemple, les Maturidiya, quand ils parlent du kayf, eux, ils essaient de nier le kayf complètement. Et ici, quand on dit, quand les salafs disent bila kayf, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de description. Ça veut dire qu'il y en a une description, sauf qu'on ne la connaît pas et on ne peut pas la connaître. Eux, qu'est-ce qu'ils essaient de faire croire aux gens, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Et s'il n'y en avait pas du tout, à quoi ça servirait de le nier? Hein? S'il n'y avait pas de kayf, à quoi ça servirait de le nier? Dans le sens que si Allah, il dit, si par exemple on dit, yani yanzilu bila kayf. Hein? Donc s'il n'y a pas de kayf, pourquoi tu vas dire yanzilu bila kayf? Hein? Tu vas dire, tu vas nier l'attribut direct, tu vas nier la, si tu nies l'attribut directement, il n'y a pas de raison de nier le comment. Hein? C'est ça que les ulama ont dit, comme Ibn Taymiyyah, il dit, si vous niez l'attribut complètement, il n'y a pas de raison de dire sans commun, puisque vous ne croyez même pas en l'attribut. Hein? Donc le fait que si les salafs ont dit bila kayf, c'était pas pour nier l'attribut. C'était plutôt pour expliquer qu'on ne peut pas connaître le commun de cet attribut-là. Et on ne peut pas le comprendre ou l'imaginer. Et c'est ça que ça signifie. Et non pas qu'on peut nier l'attribut elle-même ou dire qu'il n'y en a pas de description du tout. Donc ça c'est un point important à comprendre parce que ça fait partie également de leur shubuhat. Donc on affirme les attributs mais sans essayer de chercher à comprendre le comment. C'est-à-dire on ne connaît pas comment Allah descend. On ne sait pas comment. C'est-à-dire ça c'est Allah seulement qui le connaît. Et donc نعم لا يعلمه إلا الله فلا يلزم منه هذه اللوازم. Donc toutes les suppositions ou les implications qu'ils ont ramenées par lesquelles ils essaient de nier l'attribut ou de la déformer de son sens réel, tout ça c'est renié, hein, tout ça c'est rejeté, puisque on ne sait pas le comment, hein, et on ne connaît pas, c'est seulement Allah qui le connaît. Donc toutes les shubuhat que les mu'attila, ceux qui nient les attributs, ont ramenées, ou ceux qui font des ressemblances entre Allah et sa créature, nous on les refute et on les rejette, parce que on ne recherche pas le comment et la description des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, et il crée, et sa créature n'a pas la capacité d'envelopper Allah subhanahu wa ta'ala de leur science ou de connaître la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ya'lamu kayfiyata dhatihi wala kayfiyata asma'ihi wa sifatihi illa hu. C'est-à-dire personne ne peut connaître le comment de son être, de sa personne, de même que personne ne peut connaître le comment de ses noms et de ses attributs excepté lui. Et c'est pour ça que les ulama, ils mentionnent souvent dans leurs livres, yani, ils expliquent que al-qawlu fi istifat kal-qawlu fi dhat yahzu hazwa. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit à propos des noms et des attributs, qu'est-ce qu'on dit à propos de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose que qu'est-ce qu'on dit à propos de ses noms et de ses attributs, c'est la même chose. Dans le sens que si je te demande, est-ce que tu peux connaître comment est Allah lui-même? Tu peux pas connaître comment Allah subhanahu wa ta'ala est lui-même. Donc si tu peux pas savoir comment Allah est lui-même, de la même manière tu peux pas savoir comment sont ses noms et ses attributs. C'est la même chose. Ce qui s'applique à l'être et à la personne d'Allah s'applique également à ses noms et à ses attributs de la même façon. وكذلك ينزل الجبار عشية عرفة فيباهي بعباده الملائكة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا إن كل من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. Il dit que également Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le soir de Arafah et il montre à ses anges, ses serviteurs, et il est ébloui, hein, il montre l'éblouissement qu'il a devant ses anges par rapport à ses serviteurs qui l'adorent. Il dit à ses anges, regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi, ils sont empoussiérés et ils sont, c'est-à-dire ils ont pas, étant donné que à Arafat les pèlerins, les hujjaj, ils ont pas les cheveux peignés ou ils sont empoussiérés parce qu'ils sont en train de faire les rites du pèlerinage. Donc il dit, regardez, ils sont venus à moi, ils sont dans cet état et ils sont venus de toutes les différentes régions et il dit, je vous prends comme témoin que je leur ai pardonné. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum, que je leur ai pardonné. Ça c'est le soir de Arafat. Donc c'est pour dire que yani, il descend également à ce moment-là, pas seulement au dernier tiers de chaque nuit. هذا ايضا نوع اخر من النزول ينزل ربنا عشيه عرفه الى سماء الدنيا كما انه ينزل كل ليله من ليالي السنه حين يبقى ثلث الليل الاخير وهذا من لطفه بعباده سبحانه وتعالى ورحمته بهم. Il dit donc que ça c'est une autre forme de descente, hein. Il descend donc dans la soirée de Arafat au dernier des cieux et également il descend yani dans le dernier tiers de chaque nuit comme c'est mentionné dans les hadiths. Et donc ça fait partie de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs et également ça fait partie de sa miséricorde, hein. Donc les gens de bid'a, ils nient ça, ce genre d'attribut là. Et le cheikh dit wa qawl an-nazim rahimahullah jalla يعني تعاظم قدره وشأنه عن أن نكيف أو نعلم كيفية أسمائه وصفاته ومنها النزول فنحن نثبت النزول ولا نبحث عن الكيفية كسائر الصفات فالنزول معلوم أما الكيف فهو مجهول كما قال مالك رحمه الله في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول. Donc le cheikh il dit la parole de l'imam Ibn Abi Daoud, il dit Jalla al-wahid al-mutamaddah, c'est-à-dire Jalla, c'est-à-dire ta'azama qadruhu wa sha'nuhu, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté et également sa force et sa présence, yani sa grandeur, hein, son importance, qu'il soit exalté et qu'il soit glorifié. Donc, qu'il soit glorifié et exalté du fait qu'on essaie de chercher le commun ou de connaître le commun de ses noms et de ses attributs. Qu'il soit exalté de ça, hein. Et parmi ses noms et ses attributs, il y a An-Nuzul, qui est une des attributs qu'on affirme. On affirme An-Nuzul et on ne cherche pas à savoir le commun comme le reste des autres attributs. Et An-Nuzul, il est connu on sait sa signification et Al-Kayf, le commun, il est inconnu. Comme le disait l'imam Malik. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il disait à propos de Al-Istiwa? Il disait Al-Istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, ça c'est connu. Et le commun, ça c'est quelque chose qu'on ignore. On ne le sait pas comment. Et ça, c'est la même chose pour toutes les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas spécifique à Al-Istiwa. Il faut comprendre que c'est une règle générale qui s'applique à toutes les attributs. Wa qawluhu al-wahid, al-wahid min asma'illah, jalla wa ala, fa huwa subhanahu al-wahid al-ahad, alladhi la sharika lahu fi dhatihi, wa la fi asma'ihi, wa sifatihi, wa la fi af'alihi, wa la fi عبادته جل وعلا. Donc Al-Wahid, c'est un des noms d'Allah. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Wahid, et c'est-à-dire celui qui est unique. Il n'a pas de partenaire, hein, il est unique en sa personne. Il n'a pas de partenaire, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actions, ni dans son adoration. Et وقوله المتمدح أي المتصف بصفات المدح والكمال. Al-Mutamaddah, c'est-à-dire celui qui est décrit et qui possède les attributs de gloire et de glorification et de perfection. Ça, c'est la signification de ce vers. Donc, on a terminé avec celui-là. Inch'Allah, on continuera par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala après la prière de Dhuhr, Inch'Allah. La suite de l'explication de cette qasida, de cette manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud. Yani avec l'explication donc de ce qu'on a lu aujourd'hui dans les paroles de l'imam Ibn Abi Dawud, إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. Donc on va expliquer ces deux vers là dans le cours suivant بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.